Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono, Top Chrono, Top Chrono. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Weekend. On est très heureux de vous accueillir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Il a fait très très beau et on a l'équipe au grand complet ce soir. Et vous allez voir, on va analyser tout ce qui s'est passé en sport. Mais juste avant de démarrer, il faut toujours voir si la technique est là. Et ce soir, à tout honneur et toute fleur, ça sera pour Marie. Bonsoir, Monique, pardon. Oui, on va y revenir. Salut Fred, salut l'équipe. Et surtout Pablo qui nous a rejoint. Pablo qui était l'année dernière avec nous. Il a décidé de remettre les baskets et d'être à vos côtés. Ça, ça me fait plaisir. On est tellement bien avec toi, Fred. C'est très gentil, merci Pablo. Et puis à côté, on a Gilles qui était lui aussi au stade des Verdeaux ce week-end. Salut Gilles. Bonsoir à tous les auditeurs de Fly FM. Gilles qui est exceptionnel et qui essaie chaque fois de s'en sortir, mais je peux vous assurer que lui, il n'a pas fait de la gymnastique, mais il n'en est pas loin. Avec nous ce soir, tout nouveau reporter, c'est lui qui va nous faire vivre le football et il analysera, il nous fera part de son un œil averti d'espère. C'est notre ami Henri. Bonsoir Henri. Bonsoir à vous. Puis on va laisser bien sûr laisser parler parce que lui c'est tout un livre, parce qu'il tient beaucoup de place, c'est Jean-Yves. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui Fred, non, je tiens de la place, je vois pas de quoi tu veux parler. D'accord, c'est très gentil de ta part. Mauvaise langue. Et puis cette douce voix qui va nous annoncer le sommaire de cette émission, qui est avec nous et qui nous fera part bien sûr de son magazine tout à l'heure, qui va être exceptionnel encore une fois, c'est Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir tout le monde. Sommaire. C'est quoi ça? Football, la Coupe de France a duré. Fly FM. Le meilleur des hits. Ouais, on avait juste un petit souci de relecture de Fred. Alors, le sommaire aujourd'hui, il y aura du football. La Coupe de France a livré ses qualifiés et il n'y a pas eu trop de surprises, Fred. Exactement. Hein ? Au basketball, le SAP a surpris envers Angers, c'est ça ? Oui. Qui en a fait les frais et on aura également tous les résultats. Rugby à 13, bien sûr, avec Jean-Yves, c'est parti. Le Magic Weekend à Perpignan a été une réussite pour le SOA en Elite 1. Effectivement, Marie, on y reviendra. Motoball, les Jaguars de Monteux ont gagné. On verra peut-être qu'il y aura... Ouais, on en parlera bien sûr. Voilà. Rugby à 15, c'était le derby en fédéral 2 au stade des Verdeaux. L'ASBC a réservé à Château-Renard... l'ASBC réserve contre Château-Renard à ceux qui jouent à domicile. Non, là, il y a un problème. Allons-y. Non, l'ASBC. En fait, Bédarit a gagné contre Château-Renard. Au stade de Verdeaux, l'ASBC recevait Château-Renard. Honneur à ceux qui jouent à domicile. D'accord. Et tous les résultats. Et toujours servi par soi-même. Bon. Et nous aurons tous les résultats, bien sûr. En athlétisme, nous espérons qu'il y aura Didier Bougon qui va nous rejoindre. Il nous parlera des 10 km d'Avignon, où on a fêté les vainqueurs, bien sûr. Horizon. Par moi-même, le rendez-vous pour votre week-end sportif et détente. Et ensuite, il y aura Focus, ce soir, ce sera le badminton. Nouveau à découvrir, voilà pour le sommaire, et bien on y va. Top Chrono, basket. Allez, on va parler un petit peu du basket. Le SAP d'Avignon qui s'est littéralement, on va dire, métamorphosé du côté de Angers. C'était la Nationale 1. Ils sont allés gagner du côté d'Angers. De quelle manière? Puisque le score est pratiquement sans appel, puisqu'ils ont gagné. Je cherche sur la Nationale 1 où sont nos amis d'Avignon. 92 à 70. Jean-Yves, même que moi je ne suis pas trop avignonné, on va dire que c'est quand même louange à ceux qui ont joué puisqu'ils ont gagné. Écoute Fred, j'étais pas au match, bien sûr, puisque c'était à Angers. C'est un résultat surprenant et un superbe résultat, puisque le SAP qu'on avait vu jouer la semaine d'avant et pour le premier match de coupe, c'était un SAP qui était un petit peu... souffrant, un petit peu poussif, et puis là manifestement avec peut-être une semaine de décalage les joueurs du SAP ont enfin trouvé leur vitesse de croisière, et comme nous avait annoncé l'entraîneur, ça y est, ils sont prêts. Ben, on espère y retrouver très prochainement dans notre émission, parce que c'est vrai qu'on a toujours une place prépondérante pour le basket. On verra si ces gens veulent se déplacer, mais vous connaissez mon aptitude vers les Avignonnais. Je vous propose la Nationale 1, les résultats. Alors, Jet Vosges contre Centre Fédéral, 80-52. Angers contre Grand Avignon Sorgue, 70-92. Tarbes Lourdes contre Griesse, 89-86. Vitré Saint-Vallier, 78-74. Andrézieux Chartres, 75-66. Chaland Orchy, 85-86. Rueil Rennes, 84-67. Souffelway Caen, 74-58. Et Quimper Lorient, 79-69. Et pour le classement Quimper est premier, Avignon se situe 14e sur 18. Voilà, parce que c'était que la deuxième journée et déjà, on peut dire qu'une victoire à l'extérieur à Angers, on ne va pas faire la fine bouche, même s'ils ont perdu déjà leur premier match, puisque deux matchs, deux défaites pour cette équipe d'Angers. Ouais, cette victoire à l'extérieur, Fred, laisse augurer de belles soirées du côté du COSEC de Saint-Chamond et pour les matchs retour, bien sûr... à la plaine sportive de Sorgue. Espérons que c'est le premier bon résultat d'une très longue série. Voilà pour le basketball. Top chrono, motoball. Tiens, on va parler un petit peu du motoball. C'est Jaguar de Monteux qui recevait nos amis de... Ouh là là, j'en ai perdu le fil. Vosgecourt, ils ont gagné tellement que les scores, peut-être Jean-Yves, tu les as en ta possession, de ce motoball qui ne cesse de briller, parce qu'on avait quand même les yeux fixés du côté de Camaré et on espérait l'exploit de cette équipe de Camaré. Il n'en était rien puisque 3 est arrivé à détruire cette équipe de Camaré, 4-3. Ouais, la victoire de Monteux qui était un petit peu entachée par le bon résultat de 3-4 Camaré, puisque si les Camarétois avaient vaincu... Tu parles très bien, tiens. Et bien sûr. avaient vaincu leurs homologues troyens, tiens, on va compléter. D'accord. Samedi soir, ça mettait les joueurs de Monteux dans une position plus que favorable, et ça leur assurait quasiment un titre de champion. Là, il va falloir batailler un petit peu plus, jusqu'à la fin en tout cas pour cette équipe de Monteux, Fred. Alors dès samedi prochain exactement, les Jaguars de Monteux se déplacent du côté de Troyes. Une victoire serait la bienvenue. S'ils venaient à gagner à Troyes, je crois que ça serait la grande fête le week-end d'après, même si on va dire on reçoit un petit peu les frères ennemis de Carpentras au stade des Confines ici à Monteux. On va dire que Thierry Lafond et toute son équipe pourraient les recevoir, on va dire, avec un petit peu plus d'aisance. Ben là, Monteux a 5 points d'avance sur son second, donc qui est 3. Si 3 avait perdu ce week-end contre Camaré, ça les mettait à 9 points, me semble-t-il. Là, pour le moment, la journée est nulle, puisqu'il y a toujours 5 points d'écart. Par contre, si les Jaguars de Monteux vont s'imposer sur le terrain de 3, par contre, là, ça serait un superbe résultat. Et pour le coup, ça éloignerait leur poursuivant au classement. Avant, comme tu l'as souligné, Fred, la réception du voisin et néanmoins ennemi carpentracien sur le stade des Confines. Allez, je vous propose d'écouter un petit peu le technicien, vous savez, notre ami Thierry Lafond, qui s'occupait un petit peu de cette formation, qui a lui été un immense joueur de motoball. Aujourd'hui, ben, il vibre au bord du terrain. C'est lui qui articule cet ensemble, on va dire, de joueurs célèbres et surtout internationaux de cette équipe de Monteux. Et on est allé le voir un petit peu à la mi-temps, on est allé discuter avec lui face à Vosgecourt. Il n'était pas du tout très satisfait de la première copie que l'on rendu à la mi-temps ses joueurs, et je pense qu'en deuxième mi-temps ça a dû être nettement supérieur, mais on ne s'est pas empêché de lui demander s'il était fier de cette belle saison en cours. Je vous propose d'écouter Thierry Lafond. Thierry, on est avec Thierry Lafond à ce match contre Vosgecourt qui est en train de prendre une bonne tournure. Thierry, si on revenait un petit peu cette saison, parce qu'on veut le titre cette année. Ouais, le titre, mais bon, pour avoir un titre, il faut travailler, il faut aller au bout. Et pour le moment, on n'y est pas. Et voilà, depuis cette finale qui nous fait mal, j'ai l'impression que les garçons, ils s'endorment. Donc, il faut se réveiller. C'est pour ça que je viens de mettre un coup de gueule, comme ça. Après, j'espère que les garçons vont prendre du plaisir. Ouais, on est en train quand même de gagner Vosgecourt, champion de France 2016-2017. Et si la bonne étoile, c'était pour Monteux, parce que combien il nous reste de matchs? Et il nous en reste 4 derrière, voilà. Donc on va voir, après on regarde pas les autres, mais il faut que nous soyons à la hauteur. 3 déplacements, un domicile, il faut aller chercher. Si on veut dit, il faut aller le chercher. Ouais. On ne le donnera pas. Ouais, tu veux nous donner un jeu de mots, 3. C'est quoi? Ça va être le cheval de 3 à 3 pour Monteux? 3, ça va être voilà, ça peut être du bonheur comme ça peut être dur, ça peut voilà, il va falloir faire encore un match de fou, mais bon, peut-être que les garçons à l'extérieur, ils vont se libérer. Peut-être qu'ils ont besoin aussi qu'on se fasse bouger, qu'on se fasse rentrer dedans pour être bon. Voilà, question notée depuis le milieu de la saison par rapport à ton équipe. Parce qu'on a trouvé très bon en début de saison, tu viens nous dire qu'il y avait un peu moindre depuis la finale. Et maintenant, tu crois qu'ils sont prêts à sentir que le titre peut venir monter? Ben, je sais pas, il y a beaucoup de garçons qui n'ont jamais eu de titre. Alors je me demande si maintenant ils n'ont pas peur. Donc il arrive un moment, il faut, comme on dit, il faut avoir des couilles. Donc il faut aller chercher ce titre. Oh, j'ai bien aimé la dernière offense de notre ami Thierry Lafond, qui est très coloré, hein, on s'excuse pour les auditeurs, mais je peux vous assurer qu'il a dit un petit peu les parties génitales masculines, et il les a bien dit. Alors bon, ça veut dire que dans le sport, il faut en avoir un peu, hein, ça me passe, Jean-Yves. Mais tu sais Fred, le sport c'est 50% de talent et les autres 50%, mais Thierry te l'a dit quoi. Eh bien oui, sachez quand même que les Jaguars de Monteux sont toujours leaders et bien sûr à 5 points on retrouve 3. C'est pour ça que le match du week-end prochain sera très très important pour la suite du championnat. Il reste 4 journées et espérons que la 4ème journée n'en fasse plus que 0. Ça serait pas mal pour les Jaguars de Monteux, ce qui donnerait un titre de champion de France. Oui. Ouais, dans l'idée ça serait l'idéal serait d'aller gagner à 3 histoire de pouvoir fêter le titre par une victoire contre Carpentras, et ça serait une double belle fête. Voilà pour le motoball. Top chrono rugby à 13. Allez, rugby à 13, on va rentrer dans le vif du sujet avec Jean-Yves. On va parler bien sûr de ce magic week-end qui s'est déroulé sur un stade mythique du côté de Perpignan, puisque c'est sur le stade des Dragons de catalans à Perpignan que s'est déroulé ce magic week-end. Et on va avoir l'entraîneur de l'équipe de France fraîchement débarqué au sein de ce 13 de français, quoi. Ouais, effectivement, deux belles nouvelles pour les Avignonnais ce week-end, puisque les Avignonnais en ouverture du championnat, pour la première fois, il y avait le Magic Weekend qui servait de base pour l'ouverture du championnat. Toutes les rencontres disputées sur un même lieu sur 2 jours. C'est-à-dire qu'il y avait 5 rencontres, 3 samedi je crois et 2 hier. Ou le contraire, peu importe. En tout cas, toutes les équipes sur le même stade, les supporters présents. C'était l'élite. Et c'était une superbe fête avec des matchs superbes. Les organisateurs ne s'étaient pas trompés puisque ils avaient mis des affiches sympas, genre Limoux Carcassonne, genre Avignon Palau. Saint-Estève a reçu d'ailleurs, puisqu'ils ont perdu. Bref, toujours est-il que c'était une superbe fête. Et histoire de continuer à faire la fête, les Avignonnais se sont imposés face à leur homologue de Palau sur le score de 44-4. Je pense qu'on aura Renaud Guigues dans quelques minutes. Voilà, ce championnat qui démarre sur les chapeaux de roue quand même pour les Avignonnais. Ouais, juste je coupe pour savoir un petit peu. On n'a pas Renaud Guigues. Alors Renaud Guigues qui a eu quand même une nouvelle cape qui est très importante puisque c'est lui qui va orchestrer notre 13 de France. Ouais, absolument. Il y a eu des élections fédérales cet été, au mois de juillet. Un nouveau président a été élu en la personne de Marc Palanque, l'ancien joueur du Pontet, l'ancien capitaine de l'équipe de France. C'est lui qui est maintenant président de l'équipe. Et le premier travail de Marc, dès qu'il a été élu, a été de virer, entre guillemets, son entraîneur anglais, qui était Agar, un mec qui a eu zéro bon résultat depuis 5 ans. Voilà, Marc l'a viré. Il a mis un entraîneur français, non connu, Colony, le fils de Monsieur Colony, l'ancien joueur du 13 catalan. Un mec qui a du caractère. Et Aurélien Colony, qui est l'entraîneur de Lézignan, me semble-t-il, s'est adjoint les services de Renaud Guigues. Alors ça, c'est ce qui est bien dans tout ce que tu nous dis, tu nous décris, tout compte fait, le 13 reste une identité française, ça me plaît. Alors le 13 va rester une identité française. Il y a une vraie volonté de la part de la Fédé de refranciser entre guillemets le staff et de remettre des joueurs français. On va probablement éviter les naturalisés là qui auront joué 10 matchs avec en élite. Alors ça peut pas. C'est une volonté de la fédération d'aujourd'hui de pas s'amuser comme fait le 15, parce que bon, alors, ils se regardent un petit peu. C'est une volonté, tu sais, Fred, au rugby à 13, le réservoir est pas épais. Il y a pas un immense réservoir, donc ils vont faire avec les moyens du bord. Aujourd'hui, les Dragons catalans forment suffisamment d'excellents joueurs pour pouvoir faire jouer ces mecs-là. On a quand même un petit, quand on parle un petit peu de l'équipe de France, on a un petit peu de retard. On n'est plus dans le top. On est en deuxième catégorie, on va dire. On est la quatrième nation mondiale aujourd'hui, derrière l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre. Mais on a été rétrogradé, il me semble. Alors, ouais, c'est. Il me semble, je peux me tromper, mais je crois que je me trompe pas. Non, l'idée, c'est qu'il y a le Four Nations qui se dispute tous les deux ans, et une fois tous les quatre ans, une équipe européenne est invitée. Voilà. Donc les trois grosses nations, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, et une fois sur deux, on invite une nation de l'hémisphère sud. Ça peut être les Tonga, les Samoa, les Fidji, peu importe. Et une fois sur deux, on invite la meilleure nation européenne hors Angleterre. Et le match de l'an dernier opposant la France à l'Écosse devait servir à l'équipe de France pour se qualifier pour ce Four Nations de cette année. Ça n'a pas été le cas. Quand on dit que Richard Agar n'a pas eu de bons résultats, ça en fait partie, puisque le coup d'avant, l'équipe de France avait disputé cette compète. Ils sont plus dans le truc. Oui, en termes de chiffres, si tu le prends comme ça, oui, on est redescendu, mais c'est ponctuel. La France est aujourd'hui la quatrième, voire la cinquième nation mondiale. On a rendez-vous avec cette équipe de France, c'est quand déjà ? On a rendez-vous le 22 octobre avec cette équipe de France. On a Renaud au téléphone. Renaud qui connaît parfaitement les gars, puisque il a joué avec Aurélien Colony au Dragon Catalan. Il est en charge là actuellement de l'équipe de France réserve. Donc ça lui permet, on va en parler avec lui, mais probablement d'avoir une vue d'ensemble sur les mecs qui sont là aujourd'hui en place. Mais qui seront aussi demain les futurs. Et probablement les futurs que Renaud a. On va lui demander. Renaud. Oui. Oui, salut Renaud. Oui Renaud, d'abord félicitations pour ta victoire hier au Magic Weekend. Oui merci, merci, ça fait plaisir, ça faisait des années qu'on n'avait pas bien attaqué le championnat et pour cette année 2016-2017 ça commence bien. Ouais, 44 points à une équipe de Palo, alors même si c'est Palo, le point positif c'est que vous marquez beaucoup d'essais, vous en prenez pas. Oui, ben on a fait une très belle performance en attaque où on a su vraiment déplacer le jeu quand il fallait le faire, attaquer les petits côtés. Donc on a très bien lu la défense de Palo et défensivement sur notre ligne. À un moment donné, on reste 15 minutes dans notre camp et la défense ne cède pas. Donc ça veut dire que c'est quand même très positif que le groupe se connaît bien, que le groupe a confiance en lui et voilà, Palo n'a pas réussi à trouver nos failles sur ce match-là, donc c'est bien, ça commence bien, mais bon, il y a encore quand même du travail. Qu'est-ce que parle-nous un peu des deux nouveaux là, les deux imports, les deux Australiens. Ils sont toujours pas arrivés en plus. Ils sont toujours pas arrivés. Non. Donc c'est une équipe là 100% française ce week-end. Ouais. J'espère qu'ils arrivent cette semaine. On croise les doigts pour le mercredi, mais c'est tout est une question administrative, donc. C'est plus en fait on n'a pas la main dessus et on attend quoi. Bonsoir Renaud. C'est Fred. Dis-moi Renaud, est-ce que c'est pas un petit peu aussi cette Coupe du Monde qui arrive qui va booster un petit peu les garçons parce que bon, ils ont envie peut-être aussi de partager ce moment-là, quoi. Et je pense que cette année, c'est peut-être aussi ça fait partie aussi un petit peu des performances du SOA, non? Oui, ça en fait partie. Ben, il y a le groupe des 26 là qu'on a sorti avec Aurélien qui va donc préparer l'Angleterre pour le 22 octobre. Mais après, les places sont encore à prendre pour la Coupe du Monde 2017. Donc oui, je pense que certains joueurs, d'autres non, hein, d'autres ou sont trop vieux ou trop jeunes ou pas encore assez. Et j'en ai d'autres dans mon effectif, je pense, qui sont pas loin de pouvoir intégrer ce groupe. Et donc voilà, je pense que dans leur tête, je le vois déjà sur leur intersaison où ils ont été beaucoup plus appliqués que les autres années, donc je pense que dans leur tête ça cogite. Oui. Justement, la révélation du week-end à l'unanimité, c'est le petit Ganem. Est-ce que lui il prétend à intégrer ce groupe, par exemple, qui fait partie des prétendants après, en tout cas. C'est ouvert pour tout le monde. Hein. C'est un joueur qui joue depuis des années en élite, donc Oui, il a fait une bonne performance, une sûrement de ses meilleures sous le maillot SOA depuis quelques temps. Donc, que ce soit défensivement comme en attaque, il a été présent. Donc, c'est positif pour la suite. Après, de là à intégrer, il faut que les performances continuent. Donc, il faut que chaque match, c'est un nouveau challenge et que le joueur, pour intégrer l'équipe de France, ça ne se joue pas sur un match, mais sur une performance sur l'année. Quoi. Bien sûr. Un dernier mot, d'abord, félicitations pour ta nomination comme entraîneur adjoint de l'équipe de France, ouais. Justement. Oui, ouais. Que... c'est un honneur, ouais, c'est bien. Aurélien donc, a été élu comme l'entraîneur principal, m'a choisi. Donc, je suis heureux de rentrer dans ce staff. Maintenant, voilà, ça fait. C'est une suite logique, Renaud, avec les fonctions que tu occupes déjà au sein de la Fédé. Oui, ben en fait j'étais en charge de l'équipe de moins de 25 ans, donc après c'était plus on va dire une équipe de France ou qui représentait vraiment le championnat français. C'était vraiment pour donner, quand le sélectionneur était anglais, pour qu'il ait une vision du championnat français qu'il ne connaît pas tout le long de l'année. Donc je pense que cette équipe est vouée à disparaître parce qu'Aurélien et moi sommes entraîneurs de clubs de première division en France. Ouais, vous connaissez les gars. On a une vision directe sur les joueurs, donc c'est. Je suis pas sûr que cette équipe continue. Donc oui, moi, pour ma part, donc je suis heureux de que Aurélien me fait confiance pour être avec lui sur le staff. Donc voilà, on travaille déjà très sérieusement pour le match de l'Angleterre qui va se jouer à Avignon. Écoute Renaud, merci pour ta disponibilité. On sera là pour le match contre l'Angleterre. En tout cas, bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Renaud. Allez, rugby à 15, on va parler bien sûr de ce derby, de ce match qui a enflammé un petit peu le stade des Verdeaux, qui devait nous rendre joyeux, on l'a été, parce que quand même il y a une victoire de la SBC face à Château-Renard pour cette Fédérale 2, pour le 4. On reviendra bien sûr sur la Fédérale 3, parce que là il y a eu des matchs qui sont allés à l'extérieur, on a des résultats qui sont vraiment encourageants pour la suite de ce championnat. Et nous verrons qu'en honneur, les Montiliens en ont fait de même à domicile, mais revenons à notre match qui était, on croyait, à assister à un grand derby. Comme toujours, on a toujours envie de voir de beaux matchs au stade des Verdeaux. Et bien Jean-Yves, il y avait beaucoup de monde, le public était là, on est Fly FM était là, Gilles était aux commandes, il avait mis les gants de boxe et tout parce qu'il croyait que ça allait se passer sur le terrain, mais non, tout est resté très calme et tout compte fait, on a assisté à un derby dont on connaît chaque fois la suite logique. Comme d'habitude Fred, ces derbys là, ça fait, on en parlait hier en direct et on en a parlé après. On en a vu et commenté plusieurs. Et à chaque fois, ces derbys-là suscitent une énorme attente. En tout cas, les gens sont chauds, ils viennent au stade en espérant se régaler. Et puis à chaque fois, la montagne accouche toujours de la même chose, c'est une petite souris. Alors c'est un superbe match par l'engagement qu'il y a eu, par la volonté de chaque équipe de marquer son territoire et de remporter ce match-là. Après, techniquement, et ben c'est un derby, on le sait, le principal c'est de ne pas faire de faute, de ne pas prendre de points. Et ben c'est souvent très pauvre techniquement, ça n'a pas échappé hier, malgré l'intensité, malgré que jusqu'à la dernière seconde, aucune des deux équipes n'avait le score acquis, même si Bédarid l'emporte sur le score de 15 à 10. Tu sais, jusqu'à la dernière seconde, tu n'es pas à l'abri de prendre un essai transformé, de perdre le match à domicile. Et voilà, c'est... C'est vrai que le seul essai a été marqué de belle facture par Château-Renard, parce que c'était lié au Benin, hein, ouais. qui a pu faire un cage débordement et aller marquer le seul essai de la partie. On s'est aperçu quand même que Château-Renard, mais il manque encore un petit peu de préparation. Attention, derrière ça va très vite. On a fait toujours des fautes pour la dernière passe en bout de ligne. C'est ce qui les a un petit peu trahis, parce que ils étaient pas confiants devant, et surtout sur une phase tactique où on va revenir, où la SBC est devenue très forte, c'est la semaine à touche. Alors les Château-Renardais se sont fait secouer devant comme rarement une équipe de Château-Renard s'était fait secouer. Les Bédaridés en tout cas sont très gaillards devant, un peu moins performants pour le moment derrière, malgré que d'une semaine sur l'autre on note d'énormes progrès de la part des joueurs. Les joueurs de Bédarid sont en progrès constant, on a vu, mais ça me reste quand même, je suis peut-être un petit peu dur pour la SB Bédarid devant. On va dire que c'est très bon, la qualitatif est bon, on va dire que la charnière ça a l'air de tourner, mais quand on voit qu'on met Mathias Damignani à l'aile, ça me laisse un petit peu sournois, parce que ce garçon n'a pas du tout le poste type pour jouer à ce poste là Ouais, Fred, les choix de l'entraîneur, je vais, j'ai promis cette année de pas commenter les choix. Non, non, mais c'est pas une critique, mais c'est juste une analyse. Mais effectivement, Mathias Damignani, qui joue 12 minutes ou 13 minutes au poste d'ailier, c'est un gâchis fantastique. Alors que, on a noté tous les deux que, il y avait peut-être la place pour faire rentrer Mathias un petit peu plus tôt dans le match, à la place de Bertrand Lambertex, par exemple, à la mêlée. Voilà, on a senti au moment que Bertrand avait un petit peu de flottement. C'était juste un petit peu de flottement. Il n'a pas fait de mauvais choix, rien du tout. Mais effectivement, c'était déjà le cas la semaine dernière où Mathias était rentré en fin de partie. Là, il re-rentre en fin de partie. Oui, c'est du gâchis, bien sûr que c'est du gâchis. Par contre, le coaching est bon pour la SB Darid, c'est quand on fait sortir Chouro, qu'on fait rentrer Frédéric Roche. On sent que ce jeune Chouro a un petit peu des minutes de jeu dans les pattes, le coup de pied est moins précis, et à partir de là, on fait rentrer Frédéric Roche qui débloque un petit peu la situation. Ça va être la paire de la saison, Fred. Je pense Chouro et Fred Roche, ça va être le duo de la saison. Ils sont capables tous les deux de se compléter. Là pour le moment c'est Chouro qui attaque les matchs, Fred les finit et de quelle manière, parce que quand il rentre ouais. Il amène toujours un plus même dans le jeu hein, quand les entraîneurs font sortir Chouro, eh ben, c'est qu'ils voient qu'il a un peu le capot ouvert et que ça fume un peu, donc Fred rentre, il est chaud comme à la braise, il se trompe pas. En plus il ne faut pas oublier que Fred ça vaut mieux qu'un remplaçant puisque ça fait une période d'années qu'il tient la boutique à lui tout seul, donc c'est plus qu'un remplaçant. Une minute, il rentre et passe une pénalité d'être particulièrement 40 mètres au milieu du poteau. Oui, parce que c'est ce que je te dis. Fred, c'est mieux qu'un remplaçant. Donc, la SBC, cette année, a une chance énorme, c'est de pouvoir compter deux superbes demi d'ouverture. Et peu de clubs ont cette qualité-là. Et l'analyse aussi, on va rester sur cette analyse au niveau de la ligne des troisième lignes, qui reste très embarrassante parce que le choix est énorme pour la SBC. Alors là, écoutez, les troisième lignes, les entraîneurs vont se gratter la tête toute l'année parce que aucun de ces, ils sont 6 ou 7, il n'y a aucun de ces mecs-là qui sort du lot. Exact. Hier, on a vu qu'il avait les deux changements qui avaient été effectués par rapport à la première journée concernée la troisième ligne. Au niveau du rendement, on n'a rien vu. Il n'y a pas eu de baisse, il n'y a pas eu de... Et à un moment, il fait sortir les deux troisième lignes qu'il avait Ripper et ça va me revenir. Moi voilà. Aussi. Nogaillé. Non, Ripper et Bariol. Il fait rentrer Combes et Barneron. Oui, Barneron, exact. Il n'y a aucun changement. Les mecs, ils se complètent. La bonne surprise pour moi, c'est à nouveau ce Nouyayagé. Nouyayagé qu'on avait vu jouer en 7 au match aller. Il a joué en 8 cette fois-ci. Moi, je le trouve très bon en 8 et probablement mieux en 8 qu'en 7, mais je ne suis pas entraîneur. Chris Wyatt, là, sur le coup, il a la chance parce qu'il a 6 ou 7 très très bonnes troisième ligne. Et il ne faut pas oublier hier que Mortelette était sur le. Exactement, il était avec la B. Hein, avec la fédérale B. Brian. Ouais, ça, et si on rajoute celui qui avait joué les phases de finale l'an dernier, comment il s'appelle le petit tout Sarai, eh ben, t'as pas loin de 8 mecs de niveau fédéral 2 et de bon niveau. Et cette année, on va dire la perle de l'ASB, c'est la casse-tête des entraîneurs adverses quand ils passent le stade des Verdeaux, quand il y a des touches. Alors là, c'est devenu, grâce à Chris White, c'est devenu un lancement de jeu terrible et problématique pour les autres équipes. Alors, on connaissait Chris White, le joueur, qui était un sauteur extraordinaire, qui était un superbe joueur de touche. On connaissait peu, toi et moi, l'entraîneur Chris White. Mais Chris White, c'est un mec qui adore la touche, et c'est son truc. C'est son truc. Il adore ça, il combine, il machin. Il combine à tel point qu'il arrive presque à faire déjouer les lanceurs adverses. Exact. À tel point que hier on a vu, je ne sais pas si tu étais avec moi lorsqu'on nous le disait, non. C'était Combes qui le disait. À la fin, Combes me disait, les joueurs de Bédarid parlaient au lanceur de Château-Renard en lui disant, tu as plus que celle-là à nous proposer de tactique, parce que celle-là, tu as déjà contré deux fois. Parce que sur les 20 dernières minutes, ils ont pris tous les ballons, que ce soit sur leur lancer, sur les lancers adverses, ça a été un carnage. Superbe boulot, tout simplement. Eh bien, je vous propose d'écouter Erjan, on va dire un artisan, bien sûr, de cette victoire, parce que lui aussi il était au four et au moulin. C'était le deuxième ligne, hein, et je vous propose d'écouter Erjan de la SBC. Erjan, Château-Renard. Ça évoque beaucoup de choses, hein. Je crois qu'aujourd'hui il fallait cette victoire, non? Ouais, il fallait la victoire, match très compliqué forcément. Derby, il y avait beaucoup de monde, il a fait très chaud. Le match il a été très haché au début avec beaucoup de fautes des deux côtés, des pénalités. Donc c'est vrai que ça a été très dur d'entrer dans le match. Après, voilà, hein, 15-10, je pense que ça n'a été pas un grand spectacle pour ceux qui sont venus. Mais bon, la victoire est là, c'est essentiel, deux matchs de victoire. Ouais, parce que c'est aperçu quand même, surtout la touche là, hein, on te trouve excellent sauteur, vous êtes plusieurs à jouer un petit peu de ça et vous mettez souvent vos adversaires sur le reculoir à cause de cette phase de jeu qui est compliquée pour l'adversaire à déchiffrer. C'est vrai que tout le secteur un peu aérien à conquête avec Simon, on est bien loti au niveau de la taille. Après, j'ai envoyé une petite pique à Château-Renard. C'est vrai que là, ils ont refusé le combat, surtout les molles portées, dès qu'on descendait de touche. Ils se sont écartés. À chaque fois, ils ont joué sur le contact. Donc c'est vrai, ça a été un peu décevant là-dessus. Et on a moins pu placer notre jeu de conquête devant. Quoi. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu viens de nous expliquer qu'il y a une marge de progression pour toute l'équipe. Ouais, complètement. Là, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, en défense, surtout, on est mieux placé, on communique. Chose qu'on avait peut-être moins. On communiquait moins l'année dernière, c'était plus compliqué. Là, bon, maintenant, ça serait bien qu'on marque un peu d'essai. Surtout quand on a les moyens, qu'on vendange un peu quelques actions, ça serait bien de pouvoir concrétiser et marquer un peu sur la terre promise. Quoi. Ça serait bien. Ouais. Montélimar arrive, c'est un promu. C'est là qu'il va falloir aller faire la victoire à l'extérieur. Ouais, complètement. Ben là, deux matchs de victoire, ça serait bien trois victoires. Après, beaucoup d'équipes vont gagner là-bas à Montélimar, donc je pense que c'est un passage obligatoire. Quoi. Donc voilà, on a gagné aujourd'hui, maintenant on passe au match suivant. Merci. Voilà, je crois que Erjan nous a tout dit. Hein. Je crois que cette équipe est en train de progresser. On va la laisser travailler. Je pense que dans quelques temps, on aura enfin des essais. Deux matchs sans essais. Oui, Fred, ça nous avait un petit peu échappé pendant le direct. Effectivement, deux victoires de Bédaride, une à 9 points et une à 15 points. Que des pénalités. Des pénalités et un drop de Chourou la semaine dernière. Toujours pas d'essai. Alors, ça peut être problématique, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Au niveau des lignes arrières, il y a encore un petit peu de travail à faire. Il y a des coups qui se tentent. Il y a des mecs qui sont en progression par rapport à l'an dernier. Je pense notamment à Momo Agog, qu'on a beaucoup décrié l'an dernier. Alors, juste dernière analyse, encore une fois, est-ce que Tangar aurait apporté un plus derrière ? Probablement. Probablement. Mohamed Tangar aurait peut-être. Probablement que Mohamed Tangar aurait pu jouer dans un registre différent de celui de Agog. Encore une fois, Momo, on l'a décrié l'an dernier, souvent. Cette année, il est pour le moment irréprochable. Il fait le boulot, en tout cas, pour lequel on le sollicite. C'est-à-dire, il rentre en premier centre. Il n'est pas là pour passer des ballons. Il n'est pas là pour faire des cadrages des bords. On lui demande d'aller casser la ligne. Et bien, il y va. Il fait reculer la ligne adverse. Il met la difficulté sur la défense sur le reculoir. Et puis derrière, il permet à son équipe de renvoyer du jeu. Pour le moment, il le fait bien. Probablement que Tangar aurait apporté une solution différente. Si je peux me permettre, et ça n'engage que moi, et probablement que ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, probablement que Mathias pourrait apporter ce genre de solution au centre. Ouais. Espérons que on verra, on est là pour tout voir. Pour l'instant, on va dire que les coachs se trompent pas puisque les victoires sont là. En tout cas, contrairement à la saison dernière, effectivement, c'est que souvent on se retrouvait là pour massacrer entre guillemets le boulot qui avait été fait pendant le week-end parce que ça nous paraissait pas très cohérent. Là, jusque là, c'est super cohérent. Les coachs ont raison. Tant qu'ils gagnent, les coachs ont raison. Et en plus, ils nous avaient offert un superbe spectacle la semaine dernière. Et voilà. Allez, je vous propose d'écouter Mabilon, Michael, non ? Ouais, Michael Mabilon, l'entraîneur de des lignes arrières. Allons-y. En présence de Philippe Bordesoul, l'entraîneur des Angles. Non, c'est un peu trompé. On va revenir parce que les Angles, c'est pour tout à l'heure. Hein. C'est juste après, avant que Marie nous donne tous les résultats, juste après. Allez, Mabilon, Michael. Non. Bédaride, Mabilon, Michael. Alors on va y arriver, vous inquiétez pas, on a sorti la caisse à outils. En principe, si vous entendez du bruit, c'est la disqueuse. Mika Babillon, l'entraîneur de cette équipe de la SBC. Michael, un petit mot sur cette victoire. Ah bah c'était un derby, voilà. On ne connaissait pas avec Chris le derby. On va faire les phrases bateau, le plus important c'est les 4 points. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas été un match très intense, on va dire. De côté, ça a été beaucoup haché. Voilà, nous par rapport à la semaine dernière, au niveau de l'intensité, voilà, devant, derrière, c'était un peu moins bien. Peut-être la chaleur, je ne sais pas. Mais au final, bon, des matchs comme ça, il faut les gagner. Quoi. On a l'impression que il pouvait rien vous arriver malgré tout, même quand vous avez été des périodes où vous avez été en difficulté. La défense faisait toujours le boulot. Oui, l'organisation défensive est, dans l'ensemble est comprise, elle est pas mal, sauf qu'aujourd'hui ils ont un peu inversé situation défensive et vraiment être agressif dans la défense, à monter un peu plus agressif, les empêcher de faire des passes. C'est vrai que ils ont produit du jeu et surtout en deuxième mi-temps où on aurait pu prendre des points en plus. Voilà, sur l'ensemble du match, la première mi-temps, on domine plus et eux ils viennent deux fois dans le camp, ils font presque 100% de points, donc on tourne qu'à 12-10 à la mi-temps. Ouais, c'est vrai que c'est dommage, ça fait deux matchs, bon, après on gagne, mais on marque zéro essai. Pour l'instant, bon, on se contente vraiment de ça parce qu'on a 8 points, on est premier ce soir. Voilà, mais il y a des situations où on avance et qu'il y a vraiment le décalage pour finir les coups et on aurait pu se mettre plus vite à l'abri. Justement, comment tu expliques cette stérilité offensive entre guillemets? Bon, sur le premier match, Kerkeran, vraiment, on loupe un effet tout fait dans l'embut. C'était une grosse défense. Aujourd'hui, on a vraiment 2-3 occasions. On manque de patience en fait. On se précipite beaucoup dans les 22 adverses. On veut absolument marquer sur le coup d'après, alors que des fois il y a juste à déplacer un peu plus le ballon ou préparer plus le temps et on s'affole assez vite près de la ligne en fait. Un dernier mot sur la touche, c'est comme la semaine dernière, vous vous êtes pas mal reposé là-dessus, appuyé là-dessus pour notamment deuxième mi-temps pour construire votre succès. J'aimerais dire oui et non, parce qu'aujourd'hui la touche, c'est vrai qu'on a quand même, bon, au niveau du gabarit on est assez grand, on est même plus grand que la plupart des équipes, donc on s'en sert beaucoup. Mais défensivement on a pas mal contré, mais offensivement on n'a pas su faire beaucoup de lancements, on a été beaucoup contré par cette équipe de Château-Renard qui nous a empêché de faire notre mot de portée, de désaxer. On a été pénalisé pas mal de fois, donc c'est des choses à travailler parce qu'on n'a pas fait beaucoup de lancements sur touche mêlée en fait. Voilà, ben écoute, je crois qu'on a très bien analysé Mabilon et venu réconforter tout ce que Jean-Yves nous a dit et depuis tout à l'heure sur la SBC. Voyons les résultats de la poule 4 de cette deuxième journée du championnat. Alors, hier, Kerkeran contre Montélimar, 48-11. Saint-Raphaël-Fréjus contre Nice, 26-19. Tricastin-Voiron, 22-20. Et Bédarid contre Château-Renard, 15-10. Bédarid-Château est premier sur 9. Château-Renard 3e. Et Château-Renard 3e. Et hier, Kerkeran qui a fait subir à Montélimar la foudre. Je crois qu'on avait été mis au courant par l'entraîneur de hier, Kerkeran, qu'ils allaient se racheter face à Montélimar. Hier, Kerkeran, c'est prétendant à la montée. Ils ne vont pas laisser des points en route éternellement. Donc là, ils ont perdu à Bédarid, enfin à Château-Neuf-du-Pape la semaine dernière. Je t'annonce que la semaine à hier a dû être un petit peu mouvementée et ça a dû ronfler. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils sont allés enfiler comme au boule à Montélimar. Par contre, la mauvaise surprise, c'est que Bédarid va à Montélimar la semaine dernière. C'est que prochaine. S'il y a une prochaine, pardon. Oui. Ouais, non, mais vas-y. Non, mais c'est rien. Et que si les gens de Montélimar veulent réagir, manque de peau, ça sera contre Béda, quoi. Allez, juste avant la pub, c'est l'arrivée bien sûr de Henri qui nous a troublé un petit peu dans cette équipe. Alors, on va passer la pub. Allez, on accélère un petit peu dans le rugby, on va passer à la Fédérale au 3 et on va prendre les résultats avec Marie juste avant de voir le premier derby qu'opposait l'USAP Le Pontet, oui, parce que j'avais du mal à les retrouver sur le terrain et contre les Angles, mais on va écouter plutôt les résultats. Alors, Avignon-le-Pontet contre les Angles, 14-30, Privas-Émeu, 41-11, Berre-Ampuy, 28-9, Givors-Martigues, 7-31 et Rhône-15-Beaurepaire, 29-6. Les Angles se situent 3e, Berre est le premier. Et puis Avignon-le-Pontet, 8e sur 10. On peut lire aussi la poule de Cavaillon. 10, Palavas-Aix, non communiqué. Oui, ça commence bien. Oui. Sifour-Lille-sur-Sorgue, 17-30, Cavaillon-Lavalette, 3-9, Aubagne-Valcapo, 21-20. Lille-sur-Sorgue est positionné second et Cavaillon 9e. Ça, c'est la belle surprise de la poule 10. Jean-Yves, juste avant de revenir à ce derby qui s'est joué samedi soir du côté de Fargues, parlons un petit peu de cette équipe de Lille-sur-Sorgue, de cette poule 10 qui reste un épouvantail. Ouais, Fred, écoute, rappelle-toi, on avait reçu les dirigeants de Lille. Ils nous avaient dit qu'ils avaient préparé la montée et qu'ils seraient prêts. Ben voilà, ils sont prêts. Ils sont prêts à jouer les premiers rôles. Ils se sont structurés comme il faut pour monter en fédéral 3. Ils sont là, ils ont une paire de recrues, pas des moindres. Ils ont une paire de bons mecs et un staff qui a pas bougé, un groupe qui a quasiment pas bougé. Ils sont prêts à jouer les premiers rôles. J'espère pour eux que ça va continuer. Allez Marie, juste avant de parler de ce derby, on va passer à l'honneur pour parler de l'ESM de Monteux qui a gagné deux matchs sur trois. Contre le Bossé, 29 à 3. Salon de Provence Saint-Saturnin 5-24, Monaco Uzès 34-25, Valréas Draguignan 31-14, Le Mourillon Sisteron 22-3 et Fosse Istres contre Saint-Laurentin 3-21. Saint-Saturnin est premier, Monteux troisième. Voilà, là aussi on peut parler hein, de cette division d'honneur régionale avec pas mal de clubs vauclisiens qui vont se disputer la montée, je pense, cette année. Ouais, c'est ça, ça me fait plaisir pour Saint-Sa parce que ça fait un petit moment qu'ils sont un peu au fond du trou. On a même cru la saison dernière que le club allait disparaître. Ben, ils sont toujours là, bravo. Et ben, aussi, ils ont bossé. Ils se restructurent petit à petit. Peut-être que la montée semble prématurée pour cette année, mais sait-on jamais. Ouais, là, je suis en train un petit peu de feuilleter les divisions inférieures pour voir où se situe le fameux RCS Sorgue, qui a complètement disparu des tablettes parce qu'il faut s'éloigner très loin, même en deuxième série, je ne les vois pas. On est en train de tous un petit peu. Si Sorgue, ils ont joué en première série et le résultat, il n'y en a pas, puisqu'ils étaient exempts, ils ne participaient pas à ce tour. Eh bien, ouais. Catastrophe, le seul club titré avec trois boucliers de Brennus qui est dans le... Oui, Didier Bougon qui a beaucoup d'attachement pour... Bah, disons que moi j'ai connu un de leurs présidents qui est devenu maire, qui était président du club de rugby quand ils sont à champion de France, qui était Monsieur Milon. Hein. Oui. Quand j'ai vu les résultats et jouer les troubles faites en Fédéral 2 où ça jouait haut et fort... C'était un club, même pour moi, qui était d'avenir et un club formateur. Et ça reste toujours un club formateur. Ça l'est moindre. Ouais, et je les voyais même une fois en Fédéral 1. Alors, quand je vois la chute... C'est un très grand club. Il faut juste se rappeler, dans les années 76, ils avaient sorti les fan clubs supporters. C'était les premières boutiques où c'est qu'on achetait les drapeaux en ville et tout. C'était quelque chose que j'avais jamais vu. J'étais très petit, 76, j'avais 9 ans, et j'étais impressionné de voir que ça existait à Sorgue. Accessoirement, ils ont formé beaucoup de bons joueurs ces dernières 20 années, puisque on retrouve encore, alors un peu moins aujourd'hui, mais il me semble que cette année, dans l'effectif de Béda, il y a deux ou trois joueurs, notamment les frères Chouchan qui sortent de l'école de rugby de Sorgue. En réserve, il y en a aussi une paire. Et il y a beaucoup de gamins qui sont passés par l'école de rugby de Sorgue qui continuent à alimenter, malheureusement, entre guillemets, malheureusement pour Sorgue, mais qui continuent à alimenter les différents clubs de la région. Il reste encore des racines de ce passage, on va dire, très élevé de ce club qui a sorti Hakim, qui a sorti des grands joueurs, les frères Rodania, et passons, j'en oublie encore beaucoup d'autres. Ouais, c'est effectivement, c'est très triste. Sauf Didier Bougon qui joue à l'aile. Ouais, tout à fait. Je suis assez rapide encore. Ça me reste... Non, mais il m'a semblé. semblé connaître même un certain Philippe Damignani qui a joué à Sorgue. Oui, exactement. Ouais, il a joué avec un certain Serge Logier, mais ouais. c'était une autre époque. Revenons à ce qui est un petit peu plus sérieux. Bon, en tous les cas, revenons à ce match de Fédéral 3. Il y avait ce derby. Là aussi, on espérait. Alors, l'USAP avait décrit un petit peu sur les journaux qu'on retrouverait un nouveau USAP. Je te laisse le choix, Jean-Yves, parce que tu as été là aussi encore une fois perturbé par un ensemble d'angles ou d'anglais On va pas s'étendre trop sur le Ponté. Non, pas du tout. C'est très triste de voir le Ponté là où ils en sont aujourd'hui. Le Ponté qui a été un grand club et qui là aujourd'hui est vraiment presque au fond du fait-tout. Le risque est grand de voir Le Ponté ne pas terminer sa saison, tant les difficultés s'amoncellent. On va parler juste de ce qu'on a vu samedi soir, de ce qui s'est passé samedi soir, où les dirigeants du Ponté sont juste incapables, en trois semaines, de valider quatre passeports première ligne, qu'on sait de la première nécessité pour jouer à ce niveau-là, d'accord ? Et on s'aperçoit 5 minutes avant le coup d'envoi que ces quatre mecs-là ne sont pas validés. Au final, on se retrouve alors, 18 sur la feuille de match, c'est terrible. C'est pas comme si au Ponté, au club de l'USAP, il n'y avait pas des gens du comité, puisqu'il y a les, entre guillemets, quelques-unes des sommités du comité. Bien sûr. Et c'est juste une faute impardonnable. C'est juste impardonnable. Donc on a envoyé les gars sur le terrain se faire emplâtrer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et malgré tout, ils ont fait un gros match. En seconde mi-temps, ils ont fait un gros match. Il y a eu une espèce de révolte. J'ai de la peine pour Nico Roche qui et surtout Jean-Marc Pigeot, parce que c'est un amoureux du rugby quand même lui. J'ai, J'ai de la peine pour ces mecs-là de les voir dans cette galère. Et quelques joueurs aussi, les joueurs sont pour rien, quoi. Ils font, les joueurs, ils vont subir toute l'année. Mais j'espère que ces mots qui sont justes aillent tout droit aux personnes incombées vont peut-être se mettre au travail. Fred, tu sais, on en a parlé, on va pas en reparler là, mais on en a parlé tous les deux. J'ai peur que les gens autour du club, je te parle pas des joueurs, je te parle pas du staff technique, encore une fois, ces mecs-là ont plus que mon admiration, et tu connais les rapports que j'ai avec eux. Je trouve que l'entourage du club est pas bon. Voilà, point barre. Allez, on retrouve Nicolas Roche, l'entraîneur de cette équipe de l'USAP, qui fait ce qu'il peut. Nicolas Roche, nouvelle saison, nouveau USAP. Première défaite, mais surtout la deuxième mi-temps qui a été nettement supérieure à la première. Changement de tout, quoi. Ouais, ça a été c'est un premier match pour nous. On est tombé sur une équipe un peu mieux organisée au début du match, le premier quart d'heure. Nous, on a cherché nos repères et on n'est pas rentré dans le match. Et ce premier quart d'heure nous fait mal. On prend 17 points en un quart d'heure. Et si on regarde le tableau d'affichage, 34, c'est ce qui nous manque à la fin. On va essayer de travailler pour gommer ce premier quart d'heure loupé, quoi. Ouais, Jean-Marc Pigeot qui se fait sortir, c'est quoi? C'est l'attention, c'est parce que les présidents ont changé. Ce club a eu beaucoup de mouvements pendant l'intersaison, il me semble. Il y a eu énormément de mouvements. Le groupe a été reconstruit à 80%. On a eu quelques frustrations dues à la préparation tronquée pendant un mois et demi. Et je pense que c'est rien, c'est un petit énervement, un petit excès dû à la physionomie du match. Alors moi, je suis un petit peu inquiet, Nico, parce que on sait que ce soir tu as joué à 18, parce que il te manque la première ligne qui n'était pas validée. On a l'impression qu'il y a beaucoup de petits dysfonctionnements comme ça qui risquent de nuire à ton travail et à la bonne marche de l'équipe. Ouais, ils ont imprimé les licences il y a 15 jours. Et il n'y avait pas le passeport, c'est une erreur administrative. Voilà, donc du coup, on a été obligé d'enlever 4 joueurs sur la feuille de match au début. Donc ça nous a un petit peu mis dedans dans la préparation, parce que ça a traîné un quart d'heure. Et puis faire des choix de sortir 4 mecs alors qu'on est prêt à jouer, c'est compliqué. Mais on va régler le souci, ne vous inquiétez pas. Des premières lignes, on en a, du monde, on en a. On avait pas mal de blessés encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'une victoire nous aurait fait du bien dans la tête, aurait fait du bien un petit peu à tout le monde. On va se resserrer et on va essayer de rattraper ça dimanche prochain à ME. Ouais, juste un dernier mot, le premier match qui a été annulé, c'était normal. C'est la mairie qui a mis un arrêté, ils veulent protéger la pelouse par rapport au foot. Il y a eu des grosses pluies entre mercredi, jeudi et vendredi matin. Voilà, on n'a pas pu faire autrement. Voilà. Merci. On va carrément couper. Bon, on va arrêter, ça sert à rien. Le terrain inondé, le machin, ça fait beaucoup, Fred. On arrête avec le Ponté. Allez, je vous fais écouter quand même André Macou, parce que ça va prendre 2 minutes. Vous savez que le nouveau président, monsieur Cadéac, Alain, on le retrouvera ici, bien sûr, parce qu'il viendra dans les studios. Il viendra nous parler du comité de Provence, de ce qui nous attend, puisque les 2 demi-finales du top 14 se joueront au stade Vélodrome. Et ça sera bien sûr l'organisation du nouveau comité de Provence qui a été fraîchement élu. On espérait retrouver André Macou, un immense amoureux du rugby. Eh bien, on l'a croisé, on y a demandé un petit peu qu'est-ce qu'il en pensait du match du week-end dernier et surtout de cette élection au niveau du comité de Provence et de son rôle à l'intérieur. Allons-y. On est avec André Macou. On va revenir bien sûr sur cette élection qui est toute fraîche du nouveau président du comité de Provence. André, on avait misé une petite pièce sur André Macou. Les élections, des fois, nous ne délivrent pas le vrai favori. Oui, ah ben merci pour ça, merci pour le favori, mais bon, c'est une élection, hein, de toute façon. Ben voilà, celui qui était meilleur a sûrement gagné. Ouais, l'avenir pour André, toujours au comité directeur? Ah oui, j'espère, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est, comme dans toute association, on est tous démissionnaires, et que c'est le nouveau bureau directeur qui va élire les trésoriers, les secrétaires et tout ça. Voilà. Le nouveau visage de ce nouveau président est un président d'ouverture qui va peut-être se faire aider de personnes, on va dire, huppées comme André. Bah, j'espère. Bon, j'ai eu pas mal d'entretiens avec Alain Cadéac, bien entendu, pendant la campagne notamment. Bon, je pense que c'est un garçon qui a une vision du comité, mais bon, il connaît moins le comité, le fonctionnement du comité, mais je pense qu'il a les qualités nécessaires pour faire un bon président. Voilà, les prochaines élections, lors du bureau, qu'est-ce qu'on connaîtra définitivement les gens qui vont l'encadrer ? Bah, je pense, la date n'est pas encore fixée, mais je pense dans pas longtemps, de toute façon. Et il faut quand même qu'on mette en place la structure. Surtout compte tenu des changements qu'il va y avoir dans la structure, avec certains responsables, notamment le président du Vaucluse non élu au comité directeur. Donc ça fait quand même un poste qu'il va falloir remplacer. Patrick Buisson ne fera plus partie du visage rugbyistique pour Vincent ? Ah non, maintenant il est tout entier à sa campagne du 3 décembre à Paris, bien entendu, derrière la porte. Donc maintenant il est, je dirais même quelque part qu'il est libéré et que partant de là, ben, il se lance à fond dans sa campagne à lui. Voilà pour André Macou. On lui rend un vibrant hommage dans l'émission, bien sûr, parce qu'on espérait le voir lui enfin à la tête du comité de province, mais il ne va pas très être loin de M. Cadillac. Mais revenons au match des Angles. Deux secondes avec Jean-Yves. Ouais, deux secondes, Fred, juste pour tirer un grand coup de chapeau aux Angles, parce que les Angles, c'est un club qui est reparti à zéro il y a maintenant une quinzaine d'années, même plus, 20 ans. Ils sont repartis à zéro. Ils ont remis des gamins. Ils sont allés dans les écoles chercher des gamins. Ils ont mis des éducateurs. Ils ont mis des structures en place. Petit à petit, ça s'est construit. Ça s'est pas vu de suite. Ça a pas brillé de suite. Il n'y a pas eu des titres de suite. Mais aujourd'hui, les Angles, c'est un club qui a une équipe ou deux de juniors. Il y a deux équipes cadets. Il y a des gamins issus de l'école de rugby, malheureusement pas assez, mais qui évoluent en équipe première. Il y a, voilà. J'ai un énorme respect pour le travail d'Alexandre Surbe. Et ça, sur la formation, il n'y a absolument rien à dire sur les Angles. C'est fait partie, on va dire, des clubs phares du comité de province, parce que c'est énorme. Je crois qu'ils sont plus de 300 licenciés. Voilà, je pense qu'on en a terminé. Chapeau à eux. Ouais, exactement. C'est le moment où c'est qu'il faut prendre un papier, un crayon, prenez un agenda, préparez-vous, tendez bien l'oreille, restez avec nous. C'est Horizon qui arrive. Et c'est Marie qui va s'y coller. Horizon, bien sûr, c'est le rendez-vous incontournable dans Top Chrono Weekend, où c'est qu'on vous fait partager, et Marie va vous délecter, bien sûr, plein de dates pour organiser votre week-end qui va être somptueux, vous allez voir. Oui, alors je vais commencer par demain soir, si vous êtes intéressé par du volleyball, ce sera à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à 18h30 au gymnase Plein Soleil, pour un match d'exhibition de volleyball entre Shandong, qui est le champion de conférence Est de Chine, et la zone d'Orange, qui est vainqueur de la Coupe fédérale. L'entrée est gratuite, vous pouvez aller les supporter. Peut-être un petit apéro avec les Chinois, on ne sait jamais. Il y aura des nems. C'est pour ça que je parle. Alors, ce week-end qui vient, si vous préférez la moto, ce sera le 1er et le 2 octobre, le Motoclub Père Noir qui organise le championnat de Ligue de Provence de motocross. Ah, tiens, on n'a pas eu encore Isaïe, comment elle s'appelle, Gisèle, tiens. Mm-hmm. Alors, sinon, samedi 1er octobre, il y aura également, alors là, je fais un petit peu la promotion d'une nouvelle association sur Monteux, l'association Marche Rando Monteux, qui vous propose des randonnées de tous les niveaux, toutes les semaines, 4 sorties par semaine. Donc ce jour-là, ce sera à la salle du Château d'Eau, où vous pourrez vous renseigner. Sinon, les contacts, vous allez sur marche au pluriel, rando au pluriel, -monteux.fr pour avoir leur calendrier des sorties. Pernes-les-Fontaines également, qui vous propose tous les mercredis des mercredis sportifs de l'espace jeunesse de 14h à 17h avec de la découverte du multisport. Et il y aura également 2 sorties par trimestre. Je vais continuer avec le samedi 1er octobre, où il y aura une première mondiale à Orange, la Yeti Cup à Orange. Ce sera un tournoi international de volleyball. L'entrée est gratuite et c'est au théâtre antique d'Orange. Ça, c'est merveilleux. Oui, on pourra retrouver les équipes de la Slovénie, la Serbie, la Chine et bien sûr Orange volleyball. Rappelle-nous, c'est bien le 1er octobre, samedi qui arrive. Oui, samedi qui arrive. Première mondiale, c'est la Yeti Cup à Orange. Bravo. Voilà, et l'entrée est gratuite, si vous voulez aller. Le 2 octobre, ce sera le trail de Saint-Didier, avec un départ à 8h30 de la salle des fêtes. Il y aura un 29 km en trail individuel ou un 13 km course nature. Toujours le samedi 1er octobre, si vous préférez le vélo, ce sera le Ride in Ocre à Gargas, organisé par les sapeurs-pompiers, avec la participation de Julien Absalon. Oh, bien. Voilà, ce sera une boucle de 10 km et je garde le meilleur pour la fin avec mes rando bistrot. Le samedi, ce sera de la terre au palais, 1000 arômes de vin biologique avec un départ de Crillon le Brave. Alors, rando bistrot, tu sais qu'après, ils mangent au bistrot du village. Ouais, exactement, hein, ouais, non, ça, c'est, dimanche, ça, c'est fabuleux ça. Hein. Et dimanche, ce sera la rando de Lafare, caprice de la terre et du vin dans les dentelles de Montmirail. Un départ de Lafare. Un seul numéro pour vous inscrire, le 07 88 10 03 91. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les passions et surtout, il y a des choses très très très intéressantes pour se sortir un petit peu de ces soucis qu'on a tous en ce moment dans la tête avec le monde qui est différent et ça va être le monde du football alors. Top chrono, football. Allez, cette fois-ci avec le football, bonsoir Henri, notre bonsoir, nouveau bonsoir, chroniqueur Henri. Footballistique. Alors Henri, carte de visite, parce que quand tu as été entraîneur, tu nous arrives, on va dire, de l'Île-de-France, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, tes premières sensations au micro? Non, vas-y, c'est bizarre, hein, un peu de stress, mais bon. Oh, non, tout va aller très bien, surtout qu'on était, on va dire, dans quelque chose que tu côtoies, que tu as dû côtoyer en tant qu'entraîneur. On est à la Coupe de France, on est dans le quatrième tour. C'est là où c'est que ça commence à devenir intéressant, on va dire. Oui, tout à fait. Sachant que les équipes amateurs se rencontrent entre elles. Voilà, c'est foutu. Tu sais, dans une radio, et ce soir, on est en direct, je sais que les auditeurs sont là, nous écoutent, eh bien, il faut parler dans le micro. C'est juste ça, parce qu'on cherche à la caméra, mais il n'y en a pas. Non, mais ils se moquent pas, sinon. Non. Après, c'est moi qui me moque. Non, je plaisante, mais bon, Pablo, qui est notre technicien, il veille à ce qu'on nous entende très bien sur les ondes, eh bien, lui aussi, par contre, il aime bien quand tu parles dans le micro, je suis sûr. Pareil, Pablo. Oui, revenons à nous, alors. Donc, il y a encore un brassage qui se fait au quatrième tour. Les équipes amatrices se rencontrent les unes par rapport aux autres. Et en général, en Coupe de France, les équipes qui passent, c'est celles qui ont le plus envie. C'est pas forcément le niveau à laquelle se jouent les équipes. Ouais, parce qu'on s'aperçoit, on sait que Nyon, c'est une équipe redoutable, puisque eux, ils ont été cités au trophée du foot où nous étions avec Jean-Yves. Nous avons participé à cette belle soirée. Beaucoup de joueurs sont restés, parce que cette année, bien sûr, c'est la montée pour ce club, qui joue en DHR, il me semble, cette année. Et par contre, ils recevaient la CFA, le Pontet, qui va très mal, puisqu'ils sont derniers de leur poule à l'heure actuelle. Le président, et ça, c'est pas une mauvaise info, et sur le départ, apparemment, il y a une crise majeure qui est en train de se dérouler dans ce club, et ils sont quand même arrivés à gagner du côté d'Onions. Tout à fait. Donc 1-2, après un match très âpre et difficile. Les autres, peut-être les autres résultats dans cette Coupe de France ou dans la Coupe, il y avait aussi de l'Espérance, non, il me semble, non? Il y avait aussi la Coupe d'Espérance et la Coupe du Roumagou. Allez, je te laisse nous donner un petit peu quelques résultats de ces trois coupes, quoi. D'accord, donc on continue sur la Coupe de France, Val-d'Urance. Bah, Mayanne, 2-0. Ensuite, Perne, Les Fontaines, bas Arles, sur le terrain d'Arles, 1-0. Nous continuons sur les résultats de... Ouais, Jean-Pierre, de Jean-Pierre, hein, tout à fait, face à Malemort. Qui fait un match nul et qui se qualifie au tir au but face à Malemort. Et Val-d'Urance qui reste sur sa lancée, parce que cette équipe de Val-d'Urance est, on va dire, une arme dans ce comité, hein, puisqu'ils ont gagné face à Mayanne. Ils sont qualifiés aussi 2-0. C'est une équipe de coupe, hein, parce que tu vas aller revoir Henri, hein, parce qu'ils se qualifient souvent. Hein. D'accord. La suite, alors, deux petits résultats peut-être pour cette coupe de l'Espérance, qui reste quand même une coupe intéressante, et surtout la coupe qui est la coupe des coupes, on va dire, pour le comité Rondurance, c'est la fameuse coupe Rondurance. D'accord, deux résultats pour la coupe Espérance. Jonquière bat Avignon CFC 5-0. Bonnieu 0, Entraigues 3. Donc on va passer à la coupe du Rondurance. Avignon AC perd contre Nove 0-4. Isla 1, Villeneuve 2, Saint-Didier 2, Boulbon 3, Rasto 0 et Guerre 1, Entraigues 2, Alten 0. Courtaison, tiens, on peut donner le résultat de Courtaison, parce que ça, c'est l'abbaye de Courtaison. Non, c'est la Union de Courtaison qui joue en Dachian. Et eux sont un petit peu les prétendants, puisqu'ils sont tenants du titre de cette Coupe Rondurance. Ils ont gagné 4 à 1 face à Graveson. On voit déjà qu'ils prennent cette Coupe très au sérieux pour les amis de Courtaison. Tout à fait. Voilà, l'entraîneur que tu connaîtras très bientôt parce qu'on les fera venir, c'est Cyril Liongo qui fait un travail énorme hein, au sein de ce club de Courtaison, du Sporting. Et je pense que bon, on aura la chance de le rencontrer Henri. Et... Bon, ta première cape, parce que ce soir on a été jadis, c'est la Coupe de France. C'était la première fois que tu parlais dans un micro peut-être. Tout à fait. C'est la toute première fois. Ça y est, je suis baptisé. On est très heureux de t'avoir. On espère que ça va. Qu'on ira beaucoup mieux. Tiens, allez, athlétisme, juste avant de retrouver. Focus. Top chrono, athlétisme. Alors en athlétisme ce week-end, eh bien c'était les 10 km et on va dire lundi prochain, Jean-Yves sera mis au repos à partir de 18h50 et moi j'aurai juste le temps de présenter et normalement à 19h je pourrais partir puisqu'on va recevoir quand même deux personnalités importantes avec Didier Bougon, notre spécialiste de l'athlétisme. Tout à fait, hein. C'est vrai que nous avons cette chance énorme d'avoir Jean-Pierre Bouix qui sera dans nos locaux. Jean-Pierre, c'est une encyclopédie. Et il faudra juste dire aux auditeurs que deux minutes avant, on fera parler tout le monde, parce qu'après, on ne pourra plus parler. Mounir Yemouni, qui était présent hier avec moi et qui est adjoint au sport de la ville d'Avignon, était aux anges avec ce 10 km qui a attiré du monde. Ils avaient annoncé de la pluie, il y a eu un temps idéal pour faire des performances. Et c'est vrai que Jean-Pierre Bouix, la semaine prochaine, pour vous pourrez même le côté technique. Mais c'est vrai que tu peux rire, et cher auditeur, je ne sais pas quand vous serez là, vous allez voir, c'est impressionnant, c'est le meilleur speaker de France, ouais. Hein. Il fait toutes les grandes réunions, il peut tenir un micro 8 heures sans s'arrêter, c'est énorme, parle de tout, il vous parle des gens qui sont partis, qui sont déjà morts, qui sont revenus, il vous parle des nouveaux qui arrivent, il vous parle des poussins, des minimes, des gens qui sont déjà en cours de préparation dans les ventres des mains, il sait tout, c'est impressionnant. Cet été, il était à des tournois internationaux de pétanque, aussi bien en Belgique, il a été à Marseille, il a été à Avignon, énorme, il est énorme. Et ensuite je le vois dans les réseaux sociaux, Didier, petit bonjour, il était à Rio, il était avec le président de l'OM athlétisme, il était avec Bernard Ansalem, le président de la Fédération Française d'Athlétisme, avec également André Giraud qui est le vice-président de la Fédé et de la Ligue de Provence. Mais je suis, il n'arrête pas. Sur deux mois, il a voyagé, il a fait le tour du monde. Et puis avec la langue, vous allez voir, c'est plus que le tour du monde qui va nous faire. C'est un grand personnage. Je suis très, très, très, très heureux parce qu'il y a des années que je connais Jean-Pierre Aubouix, qui a eu un parcours, puisqu'il était prof, hein, c'est un prof qui est devenu maire. Maire de Bulle-et-Baronnie pendant presque 30 ans. Qui a été élu quatre fois, c'est ça. Quatre fois, il a été élu maire de Bulle-et-Baronnie. Il a donné une ampleur à une course qui était une course pédestre, qui est devenue quelque chose de mondial, puisqu'il venait des athlètes de partout, des Kenyans pour participer. Alors, j'ai même participé à cette course, je peux vous dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Buis, il ne mettait pas l'aspect financier, mais il arrivait à trouver des cadeaux de partout. Exact. Moi, une fois, je finis quatrième, je repars avec 60 bouteilles de vin. Ensuite, il avait d'autres partenaires comme des magasins de sport. Donc, incroyable. Et il logeait les athlètes de haut niveau chez l'habitant. Il se débrouillait à les caser. Ouais. Les athlètes de haut niveau. Et chapeau. Donc on pourra voyager avec Jean-Pierre donc la semaine prochaine. Et malheureusement, ce n'était pas lui qui était là en tant qu'animateur au niveau de ces 10 km de la Cité des Papes. C'était quelqu'un maintenant qui s'est lancé aussi dans le domaine de l'animation. C'était Ahmed Kartoff, qui est du club du Pontet, qui a passé son diplôme. Maintenant, il y a un diplôme à passer. Ça s'est fait quoi? Ça fait même pas un an que ce diplôme a été mis au point par la Fédération Française d'Athlétisme. Je suis en train de dire, il y avait quand même presque un petit millier de concurrents. Ouais, alors... Il y avait à peu près 870 inscrits et à l'arrivée c'était 780 arrivants. Parce que moi je vois 951, 111 Kenyans. Non, pardon, je me trompais. Non. C'est le nom, ça. À l'arrivée exactement, Fred, tu avais 203 Kenyans dont 198 du club de Montfavet. Non, alors que je vous explique, à l'arrivée, soyons plus sérieux. À l'arrivée, c'est 780 arrivants. D'accord. Il y avait à peu près 870 inscrits. Ils ont mis 900, je pense que c'était plutôt 900 Marseillais. Ce Kenyan qui gagne, c'est quelqu'un de très connu. C'est quelqu'un de Clermont-Ferrand. Il y avait un deuxième Kenyan de Clermont-Ferrand qui doit faire 7e ou 8e. Il a gagné, je sais, la semaine dernière un semi-marathon du côté de Toulouse. Il est invité également à une très grosse course qui a lieu le 14 ou le 15 octobre à Eger. Il est déjà venu courir en France. Ça c'est pas un inconnu. Ce visage un petit peu qui est obscurci, pardon, par le dopage sur les Kenyans, ça s'est un petit peu estompé. Bah, pour l'instant, ils en reparlent plus. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que à Clermont-Ferrand, il y a un manager français qui travaille avec le Kenya, qui fait venir ses athlètes, qui s'est marié avec une Kenyenne. C'est pour ça que bon, bah, certains athlètes de Clermont-Ferrand sont Kenya, certains ont la nationalité française. J'ai connu un moment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Ponté, dans les années 2002-2004, on avait rendu service à ce manager. Sa future femme kenyenne également, on l'avait rendu service. Et il y avait un Congolais aussi qui avançait au niveau sur ses courses de 5 et 10 km. Donc, voilà. Juste en aparté, au championnat de France, tu m'as fait connaître un Kenyan qui a été un célèbre, qui avait couru avec Midibala sur la piste là. Quelqu'un d'adorable, hein. C'était au championnat de France de cross, hein, qu'il allait faire le. Moi, c'est vrai que ces garçons sont très attachants, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu entachés par ces histoires de doping, de dopage. Alors, il y a ça, et également, bon, aussi Jean-Pierre Wix nous en fera part, parce qu'à un moment, tu sais, dans les années 95, là-bas, il y avait eu un gros problème au niveau de toutes ces différences ethniques. Il y a un Kenyan qui vivait sur Marseille qui a voulu repartir au Kenya. C'était très difficile de revenir en France. Il s'en est échappé grâce à ses jambes, puisque certaines personnes de sa famille ont été massacrées. C'était de l'acharnement, et entre ces différences ethniques entre eux, chez eux, c'était arrivé à un drame. Mondial, hein. Est-ce qu'on a un petit peu des références sur Nouveau-Clusien quand même, parce que sur Nouveau-Clusien, ils sont venus rafler tout ce qu'il y avait, quoi. Bon, sur Nouveau-Clusien, c'est vrai que j'ai vu le CSMA qui a monté sur le podium par équipe, première et deuxième marche, ils avaient deux équipes. Ensuite, je ne vais pas parler de Redouane Medjoub qui est du CSMA qui fait deuxième. C'est un coureur 3000 steeple. Il n'a pas été formé au CSMA. C'est quelqu'un qui est maintenant qui vit peut-être en France, mais ils ont réussi à faire venir du Maroc. Je vais surtout parler du quatrième, qui est Mohamed Serghini. Serghini, c'est un garçon qui vit à Avignon, qui a été formé par le CASA. Comme je l'avais dit dans un interview, je l'ai interviewé hier, et je m'excuse auprès de nos auditeurs que mon interview, je l'ai envoyé en retard. On l'écoutera la semaine prochaine. T'inquiète pas, on ne perd rien ici, tu le sais. Moi, je dirais, Mohamed, pour moi, je le connais gamin, et quand il m'a dit 27 ans, pour moi, il a encore 20 ans, et même pas. Et Mohamed a été formé en minime au CASA. Il a quitté le CASA, ça va faire un an. Il nous explique bien dans l'interview, il a quitté le CASA. Il y a des petits regrets, mais il m'a dit, je reste Vauclusien, Didier. Le CSMA, c'est quoi? Mais c'est Avignon, Montfavé. Et voilà, il a eu une proposition par le CSMA. Maintenant, actuellement, c'est vrai qu'ils ont un gros club. Et puis, il y a toute une foison de jeunes qui arrivent aussi bien des quartiers, puisque Mounir Yemouni fait également un boulot social pour intégrer tous ces jeunes auprès de certaines vedettes. Ce qui est dommage, c'est qu'au niveau du plateau, le plateau chez les hommes était de niveau national et international, et chez les femmes, bon, bah, c'est vrai que la Charlotte Morin qui fait première en 36-27, c'est un chrono pas d'un niveau national, c'est pas mal. Le niveau, mais au cuisine n'était pas là, personne n'a participé. Elles sont un peu loin, certaines. Hein. Si, il y a celle du CSMA, fait quatrième femme, mais c'est une coureuse de 800. Comment elle s'appelle déjà? Excuse-moi. Je n'ai pas son nom là. Son nom sur les... Mais d'ailleurs, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, bon, c'est super, mais qu'est-ce que tu en penses des coureuses de 8? Comment ça se fait que tu fais un 10 km? Bon, elle est venue pour renforcer l'équipe. Donc, il y avait un challenge également par équipe, hommes et femmes, et c'est le CSMA qui l'a emporté largement au niveau de toutes les personnalités, aussi bien hommes et femmes, et chapeau à eux. Bon, ce qui n'a pas empêché, c'est que Mounir Yemouni gentiment a dit fière chandelle au CASA, puisque l'organisation, c'était le CASA avec un support derrière du service des sports qui était là pour la logistique, tout. Ouais. Et bon, ils ont réussi quand même à avoir 870 inscrits avec 780 arrivants. Dans l'ensemble, le record n'est pas battu au niveau participation. L'année dernière, c'était le record est l'année dernière, hein, puisque c'était 900 et quelques. Pourquoi l'année dernière? Puisque l'année dernière, il y avait la finale des ligues de 10 km, et toutes les ligues, ça représentait à peu près 10 ligues sur toute la France. C'était un mini championnat, un championnat de France au niveau des espoirs juniors et cadets. Donc ça faisait des athlètes en plus au niveau des jeunes. donc ce qui est comptabilisé, ce qui nous a amené à peu près à plus de 900 participants. Mais là, pour un début de saison, c'est vrai que le 10 km de la Cité des Papes fait partie maintenant de ces courses régionales qui sont primées au niveau à la fois participant et au niveau qualitatif. Le Ponté arrive à, c'est vrai que c'est mon club le Ponté, mais on n'arrive pas quand même à avoir un niveau comme ça. Là aussi, un jour ou l'autre, il faudra peut-être se marier pour être reconnu un grand club. Parce que chacun tire la couverture à soi, mais il me semble que vous avez de plus en plus de mal, tous les clubs. Encore le Ponté, on s'en sort bien parce qu'on arrive à avoir une petite qualité qui est là. On va pas regarder ce qu'il y a sur ton ventre parce qu'il doit y avoir marqué le Ponté. non, c'est le Ponté, c'est l'appât. Hein, oui. Non, le Ponté a quand même une infrastructure remarquable. C'est sur le RIB. Ah, ça va. Bon, on va quitter cette page athlétisme parce qu'on va en avoir une énorme la semaine prochaine. Rappelle-nous qui vient nous voir parce que c'est quand même des personnalités du monde d'athlétisme. Énorme quoi. Ouais, alors Mounir Imoni, qui est l'adjoint au sport de la ville d'Avignon, était ancien international sur 800 et sur 1500 mètres, qui a été aux Jeux Olympiques en 2004 à Athènes. Il était dans un club qui était à côté de Rouen, qui était un des plus gros clubs français. Ensuite, près de la retraite, il s'est dit à 35 ans, pourquoi pas, je reviens chez moi. Il est revenu. C'est un ancien de Montclar qui, à un moment, était footballeur. Super garçon. C'était un ancien footeux et en cadet, il a été détecté. Et de là, il a été dans le suivi national et il a suivi son petit bonhomme de chemin pour en arriver à être international sur 800, puis ensuite sur 15. Et il sera suivi de notre ami Jean-Pierre Bouix, qui est une des grosses têtes d'affiche au niveau une légende au niveau des animateurs en France. Et voilà, c'est une chance qu'on les ait tous les deux dans nos studios la semaine prochaine. Merci Didier. Je vous en prie. Voilà, page d'athlétisme est terminée et on va faire rentrer nos invités qui sont dans le couloir. Nous allons parler ce soir Focus. Ce soir dans Focus, dans l'émission Top Chrono Week-end, nous recevons bien sûr les dirigeants de ce nouveau club de Bédaride. Ils nous viennent tout droit de Bédaride. Ils vont nous parler bien sûr de ce badminton, le badminton qui est devenu un petit peu un sport national, où, on va dire dans les pays du soleil levant, et qui ne cesse de croître et de, on va dire, envahir l'environnement, on va dire, sportif de notre pays, parce que le badminton, il y a longtemps que ça existe. C'est un sport pleinement complet parce que s'il faut avoir de l'agilité, il faut avoir du coup droit, du coup gauche, il faut avoir beaucoup de talent pour pouvoir s'exploiter dans le badminton. Pourquoi le badminton à Bédaride ? Eh bien, nous recevons Dimitri, non ? Oui, c'est ça, bonsoir. Dimitri à mes côtés et François. Et François. François et Dimitri, ils vont nous parler tous les deux de ce club. L'un est l'entraîneur, l'autre est peut-être l'un des dirigeants, ou lui aussi est un entraîneur de ce club. Parlez-nous, donnez-nous un petit peu la hiérarchie et surtout tout ce qu'il en est de ce nouveau club à Bédaride. Alors, on a créé un nouveau club de bad à Bédaride depuis le mois d'août. Alors, c'est bien, parce que moi je dis badminton, vous allez plus vite, c'est bad. Le bad, voilà. Le bad. Alors, je suis venu... Il faut être branché, je vous le dis. Je suis venu avec François qui est entraîneur de ligue, donc qui a beaucoup de connaissances bad, plus que moi qui débute de ce côté-là. Donc on a créé le club à Bédaride parce qu'il y a très peu de clubs de bad dans le Vaucluse et il y a beaucoup de demandes, c'est-à-dire que c'est un sport qui est en plein développement. En plein essor. C'est un sport jeune parce que la fédération date de fin des années 70, je pense. Et c'est un sport le plus pratiqué au niveau scolaire. Et quand on va dans les écoles, on voit les enfants super motivés à faire du bad et qui ne trouvent pas forcément les structures dans le Vaucluse parce qu'il y en a très très peu. Alors je vais vous surprendre, vous savez, le badminton que toutes les personnes ont fait parce qu'on est c'est l'été, juste avant de laisser la place à François, où c'est qu'on s'est exercé à jouer avec une mauvaise raquette en plastique là, et essayer de reprendre un genre de volant là, qui ressemble à rien. Ça c'est le côté attractif sur la plage. Mais après, j'ai pu faire des parties de badminton avec une vraie raquette et tout. C'est complètement différent. Et là, je vous rejoins, c'est passionnant même. Oui. C'est un sport passionnant, non, c'est vrai. C'est très très passionnant. Ouais. François, peut-être. Ouais, le bat, c'est génial. C'est un sport qui va très vite. Il y a besoin de beaucoup de dextérité, beaucoup de souplesse. Ouais, et puis on se pique au jeu. On devient presque agile. On est là parce qu'on a envie de taper de plus en plus fort dans la balle et elle va de plus en plus doucement. Et le rebond, et quand ça redescend, c'est de plus en plus compliqué pour la remettre. C'est ça. Oui. Hein. Il est tout petit le terrain, on dirait comme ça. Mais en fait, quand on court dessus, il est grand. Il est très très grand. Puis l'adversaire, il fait exprès de nous faire courir. Donc c'est cool. Donc le volant, c'est pas une balle, mais. Ah ouais, c'est un volant. Ouais. Voilà, le volant, il peut aller jusqu'à. Je crois que le record, c'est 400 et quelques kilomètres heure. Donc, le smash le plus. Donc, c'est un des sports de raquettes les plus rapides au monde. Donc, il y a, je crois, il y a le squash. Il y a, et après, il y a nous. Dimitri, ça, on va venir avec François, parce qu'on voit que François, ça y est, on est rentré dans le vif du sujet. Peut-être Jean-Yves va venir un petit peu argumenter avec moi. Dimitri, avoir mis ce sport en évidence à Bédarid, est-ce que c'était sort? Tu pensais qu'il y avait, je veux dire, ce vivier de joueurs et de passionnés qui allaient venir, ou tu es un petit peu submergé aujourd'hui? On savait qu'il y avait une attente. On a fait la porte ouverte ce week-end. On a été surpris du nombre de personnes qui est venu. Il y a 80 personnes qui se sont déplacées un samedi matin pour faire du bad, pas pour venir voir leurs enfants, pour jouer au bad. C'est-à-dire qu'ils ont goûté au bad et on a fermé les portes beaucoup plus tard que ce qu'on devait fermer parce que tout le monde se prend au jeu. Au niveau des jeunes, ils sont en recherche de ce sport. C'est un sport qui se pratique en gymnase. Les conditions météorologiques n'ont aucune conséquence sur le sport. Donc, alors on n'est pas dans un sport de taille là, parce que un tout petit peut être très fort, un très grand, je veux dire, c'est ça qui est bien dans le badminton. Vous allez peut-être me contrer si vous voulez, messieurs, mais c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde a sa chance là, vous voyez. C'est pas comme au rugby où c'est que face à moi, Jean-Yves, je risque de morfler. Bon, mais là non, c'est le contraire. Là non, tout est, y a pas de gabarit type. Pour commencer le bad. Et c'est un sport qui a un avantage, c'est-à-dire que vous venez avec votre garçon de 4-5 ans, au bout de 3 semaines, vous jouez avec lui, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Alors que dans d'autres sports, si vous jouez au rugby avec votre garçon de 4 ans, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc le tennis, c'est pareil. C'est vraiment un sport familial et c'est ce qu'on appelle l'esprit bad, quoi. C'est vraiment un état d'esprit familial, convivial. Et les compétiteurs aussi sont de plus en plus nombreux et en France on commence à devenir François, la compétition, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu comment ça va fonctionner pour une personne qui aimerait être son enfant et qui aimerait savoir s'il y avait des tournois? Est-ce que ça tourne un petit peu sur l'image du tennis ou ça n'a rien à voir? Alors c'est, bon, y a des compétitions pour tout niveau. Donc on commence avec les tout petits, donc du mini-bad, environ de 5 ans à 8 ans. Donc là c'est souvent c'est des rencontres mini-bad le samedi après-midi, donc c'est sur 3 heures. En gros, y a une compétition pour les tout petits. Après, dès qu'on monte en catégorie d'âge, on passe sur les compétitions le dimanche. Donc c'est une compétition départementale. Donc il y a les poussins, les minimes, les benjamins, les cadets. Donc tout ça, ils ont une compétition sur une seule journée. Donc à contrario du tennis où c'est sur 2 semaines, c'est très très long. Là le badminton, on fait un tournoi en une journée. Et puis après, dès qu'on monte un petit peu en niveau, bah on passe sur des compétitions sur le week-end, donc c'est un petit peu plus long, c'est un week-end, on fait une compétition. Donc les compétitions les plus longues, c'est pour les professionnels, donc là c'est sur une semaine. Allez, on est revenu bien sûr dans Focus, ce soir c'est le badminton et on est très heureux d'avoir Dimitri et François à nos côtés. Dimitri, gestionnaire d'un nouveau club, et François, compétiteur de badminton et entraîneur. Ouais, avant la pub, là, ma question, moi, c'est un sport qui est super attractif, c'est un sport qui est facile d'accès. Enfin, il faut pas 12 000 installations, quoi, un filet, deux poteaux, des raquettes super simples à trouver, etc. Comment se fait-il que ce soit pas plus développé? Parce que quand on voit des sports de raquettes, je pense notamment au tennis, mais aussi au squash, où c'est beaucoup plus développé, et là, le badminton, eh ben, on a l'impression que chacun... ça reste super confidentiel, et c'est ralent parce que c'est un super sport. Alors, ce qui fait que le badminton a peut-être pas mis aussi en avant, c'est aussi la jeunesse du sport. C'est-à-dire qu'en arrivant en fin des années 70, sport qui se pratique dans les gymnases, il y a déjà énormément de sports installés. Le volley est présent, le hand est présent, le basket est présent. Donc, d'un seul coup, dans les communes, un nouveau sport arrive et il a besoin de créneaux, il a besoin d'heures. Et quand on arrive le dernier, on n'a pas les meilleurs créneaux, on n'a pas les meilleures propositions à faire aux enfants. Et souvent, les créneaux de bad se trouvent tard. Donc dire à un enfant tu peux jouer au bad, mais ça se passe de 8h à 22h, les parents disent au-delà de ça, quand on regarde du bad à la télé et notamment pendant les jeux, c'est super bonnard à regarder. Tu te prends au jeu parce que c'est super facile à comprendre. Il y a un spectacle de tous les instants. Et malgré tout, eh ben, il n'y a pas un diffuseur qui a l'idée d'en mettre à la télé. Ça reste confidentiel, malheureusement. Le coup d'avoir un bon créneau dans le gymnase, tu as réussi à en trouver un à Bédaride de créneau, alors que ce gymnase à Bédaride, il est occupé par le basket, par le machin, par le truc. Le scolaire. Et toi, tu réussis à trouver. Oui. Donc je me dis qu'il y a peut-être un problème de volonté aussi. Mais non, c'est comme tu dis, je trouve un créneau. C'est-à-dire que je fais une proposition à des gens qui veulent faire du bad sur deux journées. Donc c'est très compliqué d'avoir. Vu la porte ouverte, on va partir sur une cinquantaine d'adhérents déjà qui sont prêts et leur dire vous pouvez venir jouer que le samedi et que le mardi. Sachant que sur un terrain de bad, on met maximum 4 personnes, il y a 7 terrains, donc ça fait 28 personnes. Donc ça limite vite, alors que par exemple le volet présente 12 créneaux, donc capable de faire un entraînement à 4 ou 5 enfants. Donc c'est dur de. On n'a pas cette largesse de créneaux pour proposer quelque chose de très structuré, très plus professionnel, même genre que le tennis, quoi. François, on a d'autres clubs dans la Vaucluse? Non, pardon, c'était Henri, j'avais pas vu. Excuse-moi, Henri. Henri, si tu cries pas, il y a personne qui te parlera. Excuse-moi, Henri. Henri va nous dire quelque chose. Donc la question que je souhaitais vous poser, c'est actuellement, pour s'inscrire dans votre club, vous acceptez uniquement les enfants ou il y a aussi une section adulte? Il y a tout. On accepte de 4 ans jusqu'à... Il n'y a pas de limite. D'accord. Aussi bien enfants, adolescents, adultes. Il faut proposer à tout le monde. Après, entre guillemets, on se débrouille. On va trouver la place. D'accord. Donc plus on a de monde, plus on peut faire appuyer au niveau des municipalités, plus on peut essayer de s'arranger avec d'autres sports pour coopérer dans la salle. Il y a plein de possibilités, mais il faut qu'on propose à tout le monde. Après, oui, l'objectif, c'est comme dans tous les sports, hein, c'est de développer les petits pour après garder un bon vivier et les propulser à la compète. Et puis... D'accord. Et par rapport aux tarifs d'inscription, pas d'argent entre nous, Henri. Alors là, pareil, c'est un sport qui est très peu onéreux, sachant que pour un adulte, ça va tourner entre 100 et 150 euros en fonction des clubs. D'accord. Pour les enfants, ça va de 70 à 100 euros. C'est pas excessif. Donc en équipement, il faut uniquement la raquette. Il faut juste une raquette qui tourne aux alentours de 40, quarantaine, cinquantaine d'euros. D'accord. Pour rebondir là sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense que le bad il souffre un petit peu du sport plage, quoi. Ouais, on a l'habitude. Mais c'est ça. Ouais, alors que ça devrait être un avantage finalement, puisque. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a absolument plus rien à voir. Oui, mais ça donne accès, quoi. Ouais. Ça donne accès, malheureusement, quoi. Ouais. Donc ça donne accès. Et bon, alors pour vraiment voir du bad, du vrai bad, donc il y a les Yonex internationaux de France qui vont se dérouler à Paris, à Coubertin. Donc ça, c'est fin octobre. Et donc ce sera, je crois que c'est retransmis sur l'équipe 21. Ouais, donc là, on pourra avoir du bad, du vrai bad, donc avec les meilleurs mondiaux qui seront là, donc quelques Français aussi, et puis les meilleurs mondiaux qui vont pouvoir défendre leur chance et puis gagner ce tournoi. Les gros clubs de la région? Aix-en-Provence, Fos-sur-Mer, donc Aix-en-Provence qui a été plusieurs fois champion de France par équipe, et puis qui ont des personnes qui sont vice-champion de France et X fois champion de France dans leur rang. Il y a Fos-sur-Mer aussi, où il y a des jeunes qui brillent haut, et donc il y a les pop-off entre guillemets en particulier, donc ces deux jeunes qui représentent le PACA très très haut. Ils sont là, le grand Thomas vient de gagner un tournoi international en Belgique, voilà, et son petit frère est plusieurs fois champion de France, et pareil lui aussi il a gagné plusieurs tournois internationaux. Donc chez les tout petits on commence à avoir du très très bon, chez les grands on a du très bon aussi, mais il y a encore une différence entre les Français, de manière générale les Européens, donc les meilleurs en Europe c'est les Danois, et après les meilleurs c'est les Asiatiques, donc qui vivent la Chine, la Malaisie, l'Indonésie, il y a plein de pays en Asie qui vivent vraiment bad, et là-bas le sport est national, donc il y a plein d'endroits où le sport, le badminton se joue dans la rue, il y a plein d'endroits où il y a des terrains tracés dans la rue et on peut jouer dans la rue. En France on n'y est pas encore, il y a un peu de voitures. Mais bon, ça, on va y venir. C'est pas du tout la même mentalité, mais nos meilleurs réussissent à accrocher de plus en plus les meilleurs mondiaux. Mais sur ces belles paroles, messieurs, je me suis un petit peu coupé. Ah ouais, Didier, bon, il faudrait qu'il ne parle pas en russe, lui. Dès qu'il entend Popov, lui. Non, c'est dommage, parce que c'est vrai que c'est un sport qui demande à être médiatisé. Moi, je le vois, je le regarde quand il y a les Jeux Olympiques, mais après, nada. 4 ans, comme plein d'autres sports. On attend 4 ans. Alors qu'on voit, et comme vous venez de le dire, suffit d'aménager aussi bien dans une salle, un gymnase, ou dans du loisir, mais dans des squares qui peuvent être aménagés, et d'amener un vivier, et les gamins, ils s'y prennent à la plage, pourquoi pas à la ville, dans un gymnase. Et c'est ça, et je pense que c'est une faute de moyens à la fois techniques, une faute qui réduit aussi et qui démotive et qui donne cette envie de jouer, que ce soit sur la plage ou dans un jardin. C'est un sport, messieurs, peut-être je peux me tromper, qui donne vite, qu'on appelle ça, de l'aisance. Et ça, c'est pas technique pendant des heures et des heures où c'est quand on va prendre le tennis. Il faut, le tennis, c'est de la technicité, il y a les terrains qui changent, il y a les cours, il y a le cordage, il y a... Que le badminton, ça vient vite, hein, tu as vite beaucoup, comme on dit, du résultat. Oui, c'est sûr. Une personne qui débute le badminton a l'impression de progresser à une vitesse grand V, quoi. C'est tellement facile. Nous, on s'en rend compte sur des forums, on a participé au Vital Sport de Décathlon, où on a été présent toute la journée. Les parents passaient disant « Ah non, mais tu peux pas faire ça, c'est un sport de raquette. » On leur disait « Non, mais laissez-les nous. » Et au bout de 5 minutes, ils nous disaient « Mais comment ça se fait qu'il arrive à renvoyer ?» Et on disait « Parce que le badminton, c'est simple. Et vous allez vite vous amuser. Et vous allez vite vous prendre du plaisir. » Je propose d'aller me sacrifier demain pour savoir si on progresse vite à ce sport, s'ils acceptent les vieux un peu ronds et qui sont capables de renvoyer un volant. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Je fais beaucoup de choses, malheureusement, mais c'est vrai que ça... Mais je vais avoir la chance, c'est peut-être de participer un petit peu. Oui, Didier, parce qu'il est bête. Ce qui m'a impressionné, c'est quand François a dit 400 km/h. Là, ça m'a choqué, parce que quand j'étais gamin, j'ai toujours joué. J'ai joué toujours un peu avec de la famille dans le jardin en été. Mais 400 km/h, c'est aussi costaud qu'une balle de tennis. On rappelle un petit peu les horaires pour venir à Bédarrid, parce que là, on est un petit peu pressé par le temps. Alors, à Bédarrid, il y a un créneau le mardi soir de 16h à 18h30 pour les ados de 11 à 17 ans, collège ou de tous les collèges. Il n'y a pas de restriction. Et un créneau le samedi matin de 9h à midi pour tout le monde. Allez, on fait le tour de table, parce que c'est comme ça chaque année. Ça sera tous les soirs comme ça pendant toute l'année, pardon. On va passer par Pablo. Pablo, comment s'est passé ce soir la technique, hein? Ah ben moi, toujours très bien, il n'y a pas de problème. J'ai pris plein de photos, on va les mettre sur le Facebook. Oh là là, c'est terrible. Ce soir, ça va être exceptionnel. Monique ? Ben oui, voilà, c'est fini. J'étais heureuse d'être parmi vous. On passera par Henri pour le dernier. Jean-Yves, ça a été encore super ce soir. Ouais, c'est régalé. Merci Dimitri, ça a été cool. Oui, on a été très heureux de vous avoir avec vous. Déjà, d'avoir une fenêtre pour le BAD, c'est déjà quelque chose de... François, toujours dans la compétition du BAD ? Toujours. Quel niveau ? Moi, je suis au niveau départemental, petit niveau départemental, mais j'entraîne aussi des personnes en fauteuil roulant. Et puis, je vois que le physique suisse, ça doit taper fort dans le volant. Didier ? Bah, faites du sport cette semaine, et puis j'ai un petit mot en anglophone. Oh, non. Henri, ça va aller beaucoup mieux. Tu vas bien me laisser. Vite. Une bonne première. Vas-y. Good evening, dear Tatiana. See you later. Ça, ouais. Ça veut dire que ce soir tu sors dans mon lit. Pardon. S'il y parle en anglais, non. Oui, Gilles. Bonsoir à tous. Allez, le dernier mot pour Henri, notre dernier qui vient d'arriver. Bonne soirée aux auditeurs. Merci, bye bye. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Béluci, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.beluci.fr. Fly FM, le meilleur des hits.